بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette soirée du mercredi 18 Sha'ban 1442 de l'Hégire, correspondant au 31 mars 2021. Nous poursuivons, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre étude du livre de Ibn Jama'a, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est décédé en l'an 733 de l'Hégire. Son livre s'intitule « Tadhkiratu Sami'u al-Mutakallim ». On s'est rendu au chapitre, au deuxième chapitre, dans lequel il a parlé des bienséances concernant l'étudiant en sciences. Concernant l'étudiant en sciences. Il les a commencés avec un chapitre, avec un sous-chapitre sur les bienséances de l'étudiant en lui-même. Et dans ce deuxième que nous avons entamé dans le cours précédent, il a parlé de ses règles de bienséance et de ses politesses avec son cheikh. On a parlé du premier et du deuxième, et on a vu qu'il a cité 13 adabs. Le premier concernant le choix de son cheikh. Tout d'abord, condition indispensable que ce soit un cheikh salafi qui se conforme au livre d'Allah et la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam, avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Et ensuite, il y a des points qui varient d'un cheikh à un autre. Et de manière générale, selon ce qu'on a vu d'une manière détaillée dans le cours précédent, l'étudiant doit choisir les meilleurs des savants dans leur enseignement et dans la facilité de comprendre avec eux et dans leur crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui ne doit pas délaisser un cheikh parce qu'il n'est pas très connu alors que c'est quelqu'un qui lui est très profitable d'un point de vue ou d'un autre. Et le deuxième point que nous avons vu concerne l'obéissance au cheikh et de toujours préférer les choix de son cheikh pour lui, pour l'étudiant, que les choix de l'étudiant lui-même, pour lui-même. Quand son cheikh l'oriente vers une chose, de toujours préférer le choix du cheikh à son propre choix. Sauf s'il y a un argument clair comme quoi son choix est le meilleur. Mais ça, c'est rare entre les étudiants et leurs chouyour. L'étudiant qui est débutant dans l'apprentissage et cheikh qui a passé beaucoup d'années dans l'apprentissage et ensuite beaucoup d'années dans l'enseignement, son expérience fait que, en général, ses choix seront meilleurs pour l'étudiant que ce que l'étudiant peut voir comme meilleur pour lui. Ça, c'est le deuxième adab que nous avons vu. Et aujourd'hui, on va commencer avec le troisième, qui concerne le respect que doit avoir l'étudiant pour son cheikh. Il a dit وَأَنْ يَنْظُرَ بِعَيْنِ الْإِجْلَالِ وَيَعْتَقِدَ فِيهِ دَرَجَةَ الْكَمَالِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَقْرَبُ إِلَى نَفْعِهِ بِهِ. Donc il doit observer son cheikh avec un profond respect. Et penser que du bien de lui. Penser que du bien de lui. Et ceci est meilleur pour l'étudiant. Car ça va lui faciliter de tirer profit de ce cheikh. Et comme on va voir, tu profiteras d'un cheikh tant que tu penses du bien de lui. Dès que Shaytan arrive à te faire penser du mal de lui, tu ne profiteras plus de lui. Donc, faut que l'étudiant et un profond respect pour son cheikh. Et on va voir plusieurs formes de ce respect dans la pratique. C'est pour ça cette risala, elle a cette particularité que c'est pas Ali ibn Jama'a, il se limite pas au côté théorique. Mais il cite des détails que ne connaît qu'un cheikh qui a passé beaucoup d'années dans l'enseignement et qui a eu beaucoup d'expérience avec les étudiants. Et lui, il était dans des écoles et il a passé sa vie dans l'apprentissage et dans l'enseignement. Il n'a pas fait autre chose que cela. Rahimahullah. C'était un juge, mais c'est toujours en lien avec la science. C'était un juge, il a occupé la fonction de juge. C'était même le grand juge. Mais il était toujours dans le cercle de la science. Et ça, subhanallah, ça me fait penser à une risala très circoncise. Et d'afwan, très concise, afwan. Une risala concise de un imam de notre époque qui est l'allama Abdurrahman ibn Sa'di. En quelques pages, cette risala, et elle contient des fawaïd du même genre que ce qui est cité ici. Et la raison, c'est la même que je viens de citer. Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, c'est un homme également qui a passé sa vie dans la demande de science et dans l'enseignement. Il a formé énormément de savants. Et comme je vous ai dit dans le cours précédent, des choses qui peuvent étonner certains de nos frères qui sont loin des pays dans lesquels il y a les savants, l'accès aux savants à notre époque n'est pas aussi facile qu'à leur époque. Et tu peux être dans le même quartier que des hommes de science et ne pas pouvoir profiter d'eux comme ça se faisait à leur époque. Ils vivaient avec l'ulama. Et ça, c'était, ça existait jusqu'à il y a quelques années. Parmi ceux qui étaient comme ça, Cheikh Ahmed Najmi, qu'Allah lui fasse miséricorde, comme nous ont raconté beaucoup de ses élèves et comment il était proche de ses élèves, depuis son réveil jusqu'à ce qu'il se couche, il est dans l'ilm avec les étudiants. Et ça, aujourd'hui, c'est pas possible. Également, Cheikh Zayd bin Hadi al-Madkhali. Notre noble Cheikh Zayd bin Hadi al-Madkhali également, il était comme ça. Yani, c'est des savants qui ont consacré la vie à la science. Leur vie, elle est consacrée à la science. Également, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah. Et ce sont ces savants-là qui ont sorti pour la Ummah des ulama. Parce que pour former un alim, c'est pas un cours par semaine ou deux cours par semaine. C'est la science tous les jours. Et surtout dans les premières années de l'étudiant, il a besoin de savants, yani, quasiment tout le temps, pour l'orienter, pour l'aider dans sa compréhension, pour l'encourager dans sa demande de science, et ainsi de suite. Mais ça ne veut pas dire qu'il se passe des savants, même s'il arrive à un niveau très élevé dans l'ilm. Et ça, c'est salafi. Amma celui qui se passe des savants, et qui croit qu'il est arrivé à un niveau où il peut se passer des savants, celui-là, en réalité, malheureusement, il est leurré. Il n'a pas profité comme il faut de la science. وكان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه تصدق بشيء وقال اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. Et certains parmi les salafs, avant de se rendre chez leur chuyukh, ils faisaient une sadaqa, une aumône. Et ils demandaient à Allah par cette aumône de cacher pour eux les défauts de leur cheikh et de ne pas les priver de sa science. Car quand tu vois ses défauts, tu vas plus profiter de lui comme avant. Il y en a qui vont plus du tout profiter, et il y en a qui vont profiter, mais avec une hésitation. Et ça, c'est la nature des hommes. C'est pour ça, ceux qui profitent le moins d'un savant, ce sont sa famille proche. Ce sont ceux qui profitent le moins d'un homme de science. Car il le voit dans tous ses états, il le voit, ajallakumullah, quand il va faire ses besoins, il le voit en camis de maison, et il le voit dormir, se réveiller comme tout le monde, contrairement aux étudiants qui le voient toujours dans les meilleurs des aspects et dans les meilleurs des états, toujours bien habillé, parfumé, avec l'aspect de l'ulama, et il garde toujours vis-à-vis de lui ce grand respect, ce profond respect, et c'est comme ça qu'il profite de Cheikh. Et c'est comme ça qu'il profite de Cheikh. قال الشافعي كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رفيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها. L'imam Shafi'i a dit qu'il tournait les pages quand il était entre les mains de l'imam Malik dans son cours, dans son assise, l'assise de l'imam Malik. Il tournait les pages doucement par profond respect de l'imam Malik, afin qu'il n'entende même pas le bruit quand il tourne la page. Allahu Akbar. C'est pour ça ils ont profité des savants. Et c'est pour ça c'est devenu des grands imams. Malheureusement, Allah al-Musta'an, contrairement à ce qu'on voit de nos jours, le manque de respect que peuvent avoir certains étudiants vis-à-vis de l'ulama. L'ulama qui ont passé leur vie dans la science et dans la défense de la sunna et la réfutation de l'bid'a. Il vient un petit débutant qui a lu quelques livres et commence à réfuter le savant d'une manière subtile. Il ramène ses paroles, il dit « Nous, on suit Cheikh Rabi' quand il disait ça. » Et nous, on suit Cheikh Rabi' en réalité, parce que regardez ce qu'il disait. Ça, c'est pour laisser entendre que ce savant a changé et que c'est plus le même. Pourquoi tu le dis pas clairement ? Aie assez de courage et dis-le clairement. Ce cheikh a changé. Il n'est plus le même. Fais comme certains débiles. On dit que cheikh, on lui fait dire des choses, il les répète. Wallah al-Musta'an. On ne dit pas que ça ne peut pas arriver à un homme de science. Ça peut arriver à n'importe quel homme de science. Mais on l'accepte pas sans preuve. Car l'accepter, c'est ne plus rien prendre de ce savant. Il devient daïf. Celui qui accepte ce qu'on lui dit, il le répète, il est sans degré dans l'ilm, il est faible. Et on ne doit plus rien prendre de lui. Regardez comment ces savants ils se comportaient avec leurs chouyours. Même quand ils tournent les pages, ils les tournaient d'une manière très douce, afin que l'imam Malik n'entende même pas quand il tourne la page. Wa qala al-Rabi' Wallahi majtara'tu an ashrab al-ma'a wa al-Shafi'i yanzuru ilayya haybatan lahu. Allahu Akbar. Al-Rabi' ibn Sulayman al-Muradi, l'élève de l'imam Shafi'i, celui qui a transmis la science de l'imam Shafi'i. Et je vous ai raconté une fois que Rabi', rahimahullah, avait une compréhension très lourde. Et Shafi'i pouvait lui répéter 10 fois le même point. Et encore plus. Jusqu'à ce qu'il est devenu Rabi' ibn Sulayman al-Muradi. Celui qui a transmis la science de l'imam Shafi'i. Parmi ses plus grands élèves qui ont transmis sa science, malgré qu'il ne fait pas partie des plus grands élèves dans l'âge. Il y a des élèves qui l'ont devancé dans la prise de science de l'imam Shafi'i. Mais lui, il a transmis sa science. Rahimahullah. Il dit ici, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, par Allah, je n'ai jamais osé boire l'eau alors que Shafi'i me regarde. Pendant que Shafi'i me regarde, par respect et par profond respect à son égard, Allahu Akbar, il n'ose même pas boire l'eau en présence de son cheikh. Et comparer ça, et tout ce qu'on va voir dans cette soirée, comparer ça à ce que vous entendez de certains qui se disent tullab ilm. Qu'Allah nous en préserve. Et nous demandons à Allah de nous raffermir sur la vérité que nous avons connue jusqu'à le rencontrer. Et nous demandons, ne cherchant refuge auprès de lui contre l'égarement après la guider. وحضر بعض أولاد الخليفة المهدي عند شريك فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث فلم يلتفت إليه شريك ثم أعاد فعاد شريك بمثل ذلك فقال أتستخف بأولاد الخلفاء قال لا ولكن العلم أجل عند الله من أن أضيعه ويروى العلم أزين عند الله من أن أضيعه. Certains parmi les fils du gouverneur Al-Mahdi a assisté à un cours de Sharik. Sharik ibn Abdullah al-Nakhai, qui est décédé en l'an 177 de l'Hégire parmi les grands imams. Il a assisté dans son cours et il a posé son dos contre le mur. Et il l'a interrogé au sujet d'un hadith. Le fils du gouverneur a interrogé Sharik, rahimahullah, au sujet d'un hadith en étant dans cet état-là qui a été décrit. Il s'est reposé contre le mur. Quand il a posé la question, Sharik ne s'est pas tourné vers lui. Ensuite, le fils du gouverneur a répété sa question. Sharik s'est comporté de même. Il ne lui a pas accordé d'importance. Jusqu'à ce qu'il a dit, le fils du gouverneur a dit, « Tu prends à la légère les fils des gouverneurs, des califes ?» Il a dit non, mais la science a plus d'estime auprès d'Allah pour que je la perde. Et dans une riwaya, la science est plus honorable auprès d'Allah pour que je la perde de cette manière. C'est-à-dire, la science a plus d'estime auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que de la perdre en la donnant à quelqu'un qui ne la mérite pas et qui ne se comporte pas avec les comportements des demandeurs de science. Ensuite, il a dit, وَيَنْبَغِي أَلَّا يُخَاطِبَ شَيْخَهُ بِتَاءِ الْخِطَابِ وَكَافِهِ. Il ne doit pas s'adresser à son cheikh en le tutoyant, ni en l'appelant de loin. Mais il dit, oh mon maître, oh mon professeur. Et il a rapporté une parole de Khatib al-Baghdadi dans laquelle il dit, أيها العالم أيها الحافظ ونحو ذلك وما تقولون في كذا وما رأيكم في كذا وشبه ذلك. Cette parole qui est citée par Al-Khatib al-Baghdadi dans son livre Al-Jami'u li-akhlaq al-Rawi wa Adab al-Sami', un des trois plus importants livres dans le domaine de l'adab de l'étudiant en sciences. Deux livres de Al-Khatib al-Baghdadi et un livre de l'Hafid ibn Abd al-Barr al-Andalusi, qu'Allah leur fasse miséricorde. Donc, le Khatib al-Baghdadi, rahimahullah, dit, il doit s'adresser à l'homme de science en lui disant, ô savant, ô mémorisateur, et ainsi de suite. Et il ne lui dit pas, et il lui dit, qu'est-ce que vous dites de telles questions? C'est-à-dire, il le vouvoie. Il ne le tutoie pas. Il ne lui dit pas, ma taqoul. Ma taqouloun. Qu'est-ce que vous dites? Donc, le vouvoiement existe même en arabe. Qu'est-ce que vous dites de telles questions? Qu'est-ce que vous pensez de telles choses? Et ainsi de suite. وَلَا يُسَمِّيهِ فِي غَيْبَتِهِ أَيْضًا بِسْمِهِ إِلَّا مَقْرُونًا بِمَا يُشْعِرُ بِتَعْظِيمِهِ. Et ne doit pas le nommer en son absence avec tout simplement son nom, qu'accompagné de ce qui montre le grand respect qu'il a pour lui. Par exemple, il dit notre cheikh, notre professeur, notre cheikh a dit, et ainsi de suite. Le quatrième point et le quatrième adab, أن يعرف له حقه ولا ينسى له فضله. Il doit connaître pour son cheikh son droit, les droits qu'il a sur lui, et les respecter. Et il ne doit pas oublier son mérite sur lui, les nombreux mérites qu'il a sur lui. Comme a dit Shu'ba, كنت إذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا ما حي. Shu'ba, bien évidemment, c'est le grand imam, le grand mémorisateur, parmi les grands ascètes et parmi les plus grands des savants, qui est décédé en l'an 160 de l'Hégire, Shu'ba ibn al-Hajjaj, al-Wasiti, Amir al-Mu'minin, le guide des croyants dans la science du hadith. Et Shu'ba, rahimahullah, ils disent dans sa biographie qu'il se contentait de ce qui lui suffit dans une journée, comme subsistance. Rahimahumullah. Donc Shu'ba, rahimahullah, il dit, quand j'entends un hadith d'un homme, je deviens son serviteur tant qu'il est en vie. Tant qu'il est en vie, je deviens comme son serviteur. Et dans une autre parole de lui également, il a dit, مَا سَمِعْتُ مِنْ أَحَدٍ شَيْئًا إِلَّا وَاخْتَلَفْتُ إِلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا سَمِعْتُ مِنْهُ. وَمِنْ ذَلِكَ. Donc c'est dans le même sens. Connaître le mérite de son cheikh et lui donner ses droits sur lui. Et fait partie de ces choses, il a commencé à les détailler en disant, وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يُعَظِّمَ حَضْرَتَهُ وَيَرُدَّ غِيبَتَهُ وَيَغْضَبَ لَهَا فَإِنْ عَجِزَ عَنْ ذَلِكَ قَامَ وَفَارَقَ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ. Parmi les droits de son cher sur lui, c'est de le vénérer, de le respecter profondément pendant son absence, pendant sa présence, et de le défendre si jamais quelqu'un il le calomnie en son absence, et il se met en colère pour cela, et il le défend en son absence. S'il est incapable de cela, pour une raison ou pour une autre, alors au minimum, il a dit, il quitte cette assise. Il se lève et quitte l'assise. S'il n'arrive pas à défendre son cheikh, et ça, c'est des droits vis-à-vis de tout musulman. Mais ils sont encore plus forts vis-à-vis de celui qui t'a donné la science. De celui qui t'a donné la science. Mais sinon, ça, c'est demandé vis-à-vis de tout musulman. Et il doit lui faire des invocations pendant toute sa vie. Et ça, c'est rapporté de Salaf. C'est rapporté de l'imam Ahmed qu'il faisait du'a pour un homme qui s'appelle Mohammed ibn Idris. Il faisait du'a dans ses salawat, dans ses prosternations pour Mohammed ibn Idris. Au point où un de ses enfants lui a dit, c'est qui Mohammed ibn Idris? Pour qui tu fais des du'a tout le temps dans ce sujoud? Il a dit, c'est Shafi'i, son cheikh, l'imam Shafi'i. Vous savez que l'imam Ahmed a pris la science de l'imam Shafi'i. Et l'imam Shafi'i a pris la science de l'imam Malik. C'est pour ça que ces trois écoles, on les appelle Al-Madrasa Al-Athariya, ceux qui suivent la trace. On la distingue de Madrasa Al-Ra'i, l'école de l'avis, qui est l'école de l'imam Abu Hanifa et de Sufyan al-Thawri et d'autres grands savants. Ça ne veut pas dire qu'ils suivaient la vie indépendamment des textes. Mais dans cette école de la vie, il y avait plus d'avis que dans l'autre école, car ils n'avaient pas autant de hadiths et ils avaient besoin de faire des efforts. Beaucoup plus souvent, ils avaient recours aux efforts pour déduire des jugements, plus que l'autre école, l'école de l'imam Malik, qui se contentait de, et comme ils étaient proches de, des grands savants de Medina et de Mecca, ils avaient des tabi'in et des choses qui ont été rapportées de sahaba, qui les indispensaient le plus souvent de faire des, leurs propres avis. Et en plus de l'abondance de hadith qu'ils avaient, regardez, un des plus grands livres qui ont été faits dans cette umma, c'est le Musnad de l'imam Ahmad. Ils disent, il contient 50 000 hadiths. En tout cas, il fait plus de 50 volumes dans l'édition qui existe aujourd'hui. Sa meilleure édition, c'est l'édition de Risala, 52 volumes. Et de veiller sur sa descendance et sur ses proches et les bien-aimés de son cheikh après la mort du cheikh. De veiller sur ses proches, sur sa famille, ses enfants et ses amis après la mort du cheikh. Et non pas comme ce que je vous ai dit, ceux, dès qu'ils pensent qu'ils sont arrivés à un niveau de science, ils s'éloignent des savants pendant leur vivant. Regardez ce qu'il dit ici. Il continue à se rappeler de son cheikh et à faire du bien vis-à-vis de son cheikh en veillant sur ses enfants, sur sa famille, ses proches, ses amis, contrairement à ceux qui délaissent les savants pendant leur vivant, pour soi-disant, parce que soi-disant ils sont arrivés à un niveau où ils peuvent faire da'wa indépendamment des ulamas. Et ça, c'est un mauvais signe que talib al-ilm coupe les liens avec l'ulama et s'éloigne de l'ulama. Il a dit ensuite, وَيَتَعَاهَدَ زِيَارَةَ قَبْرِهِ وَلِسْتِغْفَارَ لَهُ وَالصَّدَقَةَ عَنْهِ. Également, il continue à visiter sa tombe après sa mort et à implorer le pardon en sa faveur et à faire des aumônes en sa faveur. Et il continue sur la même guidée sur laquelle était son cheikh. Et il continue à le prendre comme exemple dans ses habitudes et dans ses adorations. Il a dit, yani pour qu'il continue à prendre la récompense avec lui. Ça, c'est le quatrième. Le cinquième, il a dit, أن يصبر على جفوة تصدر من شيخه أو سوء خلق. Donc ce cinquième adab, je l'avais mentionné précédemment, et là, on va le voir plus en détail. C'est qu'il doit patienter face à la rudesse de son cheikh, ou à un mauvais comportement de son cheikh. Si son cheikh, il se détourne de lui, ou il fait preuve de rudesse avec lui, il se comporte d'une mauvaise manière avec lui, il doit faire preuve de patience, l'étudiant. L'étudiant doit patienter, car cher, ça reste un être humain. Et subhanallah, c'est ça que certains de nos frères, tullab ilm, n'arrivent pas à comprendre. Ils idéalisent l'ulama, pour lui, l'alim, il faut pas qu'il tombe dans une erreur, il faut pas qu'il ait un mauvais comportement un jour. L'alim, c'est un être humain, comme tout le monde. Un jour, peut-être que un de ses enfants lui a dit quelque chose qui l'a mis en colère, ou l'a son épouse, ou l'a des choses comme ça. Donc, ça peut lui arriver, ces choses-là. Ça peut lui arriver, ces choses-là. Donc, ça doit pas repousser l'étudiant du cheikh. Ça doit pas le repousser de son cheikh. Et de continuer à penser du bien de lui, et de chercher à lui trouver des excuses dans des comportements, dans leur apparence qui sont mauvais, de leur trouver des explications et des interprétations. Peut-être qu'il a fait ça parce que ça, ou ainsi de suite, comme ce que je vous ai cité. Et ce que je vous ai cité, c'est des réalités. Un cheikh avec un excellent comportement, un jour, il peut venir, il est en colère. il est plus sensible que d'habitude. Tu lui poses une question, il te répond pas comme d'habitude. Il se détourne de toi, il veut pas que tu lui parles. C'est un être humain. Certes, nos ulama, ce sont les meilleurs de notre communauté, les meilleurs hommes de notre communauté, ce sont les ulama, les gens qui sont dans la science. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont infaillibles. Et ensuite, il a dit que l'étudiant, quand face à cette dernière dureté non justifiée, face à cette rudesse de cheikh, face à ce mauvais comportement, il doit commencer tout de suite à lui trouver une excuse. Et se repentir à Allah. Peut-être qu'avec un de ses péchés, que cheikh s'est comporté avec lui de cette manière. Et d'attribuer la négligence et le manquement à sa propre personne et non pas à son cheikh. Et d'adresser les reproches à sa personne. Car ainsi, son amour continuera pour son cheikh. Et ainsi, il préservera son cœur de toute mauvaise pensée de son cheikh. Et ça, c'est plus bénéfique pour lui, car il va continuer à profiter de cheikh. Car du moment que tu penses du mal de cheikh, c'est fini le profit. Et ça, c'est des choses expérimentées. Tu profites de quelqu'un tant que tu le respectes et que tu penses du bien de lui, et ainsi de suite. Il a été rapporté de certains salafs, celui qui ne patiente pas et qui ne s'abaisse pas pour la demande de science, qui ne fait pas preuve d'humilité dans sa demande de science, il restera toute sa vie dans l'aveuglement et dans l'ignorance. Et celui qui patiente dans sa demande de science, sa fin sera la gloire et la fierté dans ce bas monde et dans l'au-delà. Donc, tu veux la science, tu demandes une chose inestimable dans sa valeur, immense, parmi les plus grandes grâces qu'Allah accorde dans ce bas monde à un croyant. Celui pour qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension dans la religion. Tu veux ça, toi? Donc, tu dois patienter. Et tu ne dois pas te détourner de ton cheikh parce qu'un jour, il t'a dit une parole qui t'a blessé. Mais tu dois faire comme a dit Ibn Jama'a, rahimahullah, ici. Adresser les reproches à ta personne et dire, c'est à cause de tes manquements qu'il s'est comporté avec toi comme ça. Et lui trouver des excuses afin que tu continues à penser du bien de lui et que tu continues à profiter de lui. Ça, c'est un conseil extrêmement précieux dont tu dois prendre note dans ta demande de science. C'est très très bénéfique. Et beaucoup d'étudiants que j'ai vus moi-même se sont éloignés de certains chouyours salafiyines à cause de certains points comme ça. Certains ont dit Isbir li da'ika in jafawta tabibahu. واصبر لجهلك إن جفوت معلما patiente quand t'es malade patiente même si le médecin se comporte mal avec toi et également patiente face à la rudesse de ton enseignant pour t'en sortir de ton ignorance. Quand t'es malade et souffrant et tu sais qu'un médecin est un grand spécialiste par rapport à cette maladie et que Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis d'être la cause de la guérison de beaucoup de malades, si il se comporte mal avec toi ou là il te dit une parole déplacée, ça va pas t'éloigner. Tu vas patienter. Et tu vas continuer à suivre le traitement avec lui. Alors que dire de lever l'ignorance face à la rudesse de l'enseignant? Ensuite, il a rapporté de Ibn Abbas, un mauvais comportement d'un cheikh. Il faut savoir que les comportements, comme c'est cité dans un hadith, c'est comme rizq. Allah a réparti les comportements entre les fils de Adam, les bons comportements, comme il a réparti entre eux leur subsistance, leur rizq. Et fait partie des comportements qui sont innés. Et il y a des comportements qui sont acquis, qui demandent à faire des efforts pour les avoir. وعن ابن عباس ذللت طالبا فعززت مطلوبا. Il a dit, radiallahu anhuma, Abdullah ibn Abbas, il a dit, j'ai patienté face à l'humilité, j'ai fait preuve d'humilité dans ma demande de science, et enfin, j'ai eu un statut et un honneur de la part de ceux qui ont demandé la science auprès de lui. Donc il a fait preuve d'humilité dans sa demande de science pour arriver à un degré, à un statut élevé, un statut très honorable. Radiallahu anhu. Bien évidemment, les savants, ils visent pas ce statut. Mais ça arrive. C'est pour ça qu'ils disent, les savants sont des rois sans couronne. Et les rois couronnés, les gens les respectent dans l'apparence et peut-être qu'ils les détestent dans leur cœur, contrairement aux savants. Les gens les respectent dans l'apparence et ils les aiment avec le cœur. Et regarde que tu peux aimer l'ulama plus que tes parents. وقال معاف بن عمران مثل الذي يغضب على العالم مثل الذي يغضب على أساطين الجامع. معاف بن عمران qui est décédé en l'an 185 de l'Hégire a dit, celui qui se met en colère contre le savant est comme celui qui se met en colère contre les grands piliers de la mosquée. Car les grands piliers de la mosquée, yani si tu te mets en colère contre eux et tu veux leur faire du mal, en réalité tu vas te faire du mal à toi-même. C'est comme ça, celui qui se met en colère contre les savants, il va se faire du mal à lui-même. Mais il ne fera pas de mal aux savants. Il se met en colère contre le savant, il délaisse ses cours. C'est qui va se faire du mal ? L'alim ou toi? C'est toi qui vas passer à côté de ce grand bien. وقال الشافعي قيل لسفيان بن عيينة إن قوما يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم يوشك أن يذهبوا ويتركوك فقال للقائل هم حمقى إذا مثلك هم حمقى إذا مثلك إن تركوا ما ينفعهم لسوء خلقي. Shafi'i rahimullah a dit qu'on a dit à Soufyan ibn Uyayna, des gens qui viennent de l'est et de l'ouest de la terre, ils viennent pour demander la science auprès de toi et toi tu te mets en colère contre eux. Bientôt ils vont délaisser tes assises de science. Il a dit à celui qui lui a dit ça, alors ils seront des fous comme toi. Ils délaissent ce qui leur est profitable à cause de mon mauvais comportement. Bien évidemment, ça c'est de la folie. C'est de la folie de délaisser la science d'un alim parce qu'il s'est mal comporté avec toi. Wa qala Abu Yusuf. Abu Yusuf, bien évidemment, c'est Yaqub ibn Ibrahim, le grand élève, le plus grand élève de l'imam Abu Hanifa. Abu Yusuf al-Qadi. اسمه يعقوب. إلى دي خمسة يجب على الناس مداراتهم وعد منهم العالم ليقتبس من علمه. Il a dit cinq parmi les gens, on doit avoir le mudarat avec eux. Le mudarat, c'est l'inverse et l'opposé de l'mudahana. L'mudahana, c'est comme dans la parole d'Allah Azza wa Jal. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. Ils aimeraient que tu fléchisses un peu avec eux, alors ils feront de même. Al-mudahana, c'est de céder sur ta religion et de faire des compromis sur le dos de la religion pour avoir des choses de dunya. Al-mudarat, c'est l'inverse. Tu vas donner des choses de dunya pour préserver la religion. Donc il y a cinq catégories d'hommes avec lesquels tu dois faire le mudarat. Et il a cité qu'un seul, celui qui nous concerne. Mais c'est connu que le mudarat, parmi les gens avec lesquels on doit faire le plus de mudarat, c'est entre les époux. Entre les époux. Et c'est à cause de ça qu'il y a beaucoup de problèmes dans les couples. Parce qu'on ne fait pas de mudarat. Tu n'es pas obligé de tout dire à ta femme. Et la femme n'est pas obligée non plus de tout dire à son mari. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla a légiféré le mensonge entre les époux. Et ça devient une adoration. Quand l'un ment pour le bien de l'autre. Donc parmi les personnes avec lesquelles tu as besoin de plus de mudarat pour vivre une vie paisible et tranquille, c'est ton épouse. Et l'épouse également, elle a besoin de ça avec son époux. Mais lui, il a cité ici l'alim. Ce qui nous concerne, c'est l'homme de science. L'homme de science, tu dois faire le mudarat avec lui pour profiter de sa science. Pour profiter de sa science. Et le mudarat, c'est pas une hypocrisie, bien évidemment. Mais il y a un savant chez lequel il y a énormément de bien, savant salafi, ayant beaucoup de science, et tu as besoin de cette science. Donc tu dois patienter s'il a un mauvais comportement avec toi. Et jusqu'à arriver à ton objectif. Le sixième adab qu'il a cité, أن يشكر الشيخ على توفيق على توقيفه على ما فيه فضيلة وعلى توبيخه على ما فيه نقيصة. Donc il doit remercier son cheikh quand il lui montre une chose méritoire. Il lui montre une faïda, il lui enseigne une sunna. Comme il doit le remercier quand il le blâme par rapport un manquement de sa part, ou par rapport à une paresse dans sa demande de science, ou une négligence, ou autre chose. Donc il doit accepter le conseil de son cheikh et le remercier quand il lui montre un bien ou quand il le met en garde contre un mal, et de lui montrer son acceptation, et de considérer cela comme parmi les plus grands bienfaits d'Allah sur lui. Qu'Allah lui a envoyé un homme qui lui montre le bien et qui le met en garde contre le mal. Et de montrer ça à son cheikh, de lui montrer sa joie avec ce qu'il lui a montré comme bien, et également sa joie avec les blâmes et les reproches qu'il lui a fait par rapport à ce mal dans lequel il est tombé. Et ça, le fait de montrer ça à son cher, c'est des choses qui vont faire que cher va lui donner davantage de conseils et de science, et il va prendre soin encore de lui encore davantage. Également, si cher il lui montre un adab, il lui montre un adab ou une faïda, ou il le met en garde contre un manquement dans lequel il est tombé, il ne doit pas, écoutez bien, je vais traduire directement, pour finir les 13 points, bi'idnillah. Donc, si Cheikh il lui montre un bien, ou il le blâme sur un mal dans lequel il tombait, il ne doit pas faire style qu'il savait ça déjà, et qu'il est tombé dans cette erreur juste par insouciance, mais il savait que c'était pas un bien. Il ne doit pas lui montrer ça. Même si c'est le cas, il doit le remercier et se montrer reconnaissant pour lui avoir montré ce bien ou l'avoir blâmé sur ce mal. Et s'il a une excuse et il voit un intérêt à informer le cheikh de son excuse, il n'y a pas de mal à lui montrer l'excuse. Mais sinon, de manière générale, il ne doit pas le faire. Sauf s'il voit qu'il y a un intérêt. Par exemple, s'il ne lui montre pas qu'il avait une excuse, par exemple, il le voit dans une position qui ne convient pas à Talib Ilm. Et cher, s'il le voit dans cette situation, peut-être qu'il va penser que c'est quelqu'un qui n'est pas fait pour la science. Il n'a pas d'adab. Alors que lui, par exemple, il a longé ses pieds parce qu'il avait mal ou quelque chose. Dans ce cas-là, il n'y a pas de mal à l'informer de son excuse, afin que Cheikh ne pense pas du mal de lui, et qu'il le délaisse et se détourne de lui. Le septième adab, Allah yadkhula ala al-Sheikh fi ghayri al-majlis al-am illa bi-isti'dhan. Donc ça, c'est parmi l'adab qu'il doit avoir avec son Cheikh. Il ne doit pas entrer chez le Cheikh dans ses assises privées qu'avec yani sa permission. Il demande sa permission et son autorisation. Mais dans les assises publiques qui sont ouvertes pour tout le monde, ici il ne s'agit pas de demander la permission. Mais dans ses assises privées, par exemple, il est seul chez lui en train de lire, ou il est avec un étudiant ou quelque chose comme ça, il ne doit pas entrer sans la permission du cheikh. Et quand il demande la permission, il doit demander la permission jusqu'à avoir la certitude que Cheikh a pris connaissance de sa présence. S'il voit qu'il ne lui permet pas de venir, alors il doit quitter, il doit repartir. Et au maximum, il ne doit pas demander la permission plus de 3 fois, comme c'est dans la sunna. Il toque 3 fois maximum. Et il toque la porte d'une manière douce, avec les ongles, ensuite avec les doigts, et ensuite en frappant sur la porte ou avec l'anneau. Il y avait des anneaux sur les portes avec lesquels, qu'ils accrochaient sur les portes avec lesquels ils vont toquer. Donc il commence avec les ongles, il a dit, ensuite les doigts, et en troisième lieu, avec l'anneau de la porte. Et si Cheikh le autorise d'entrer dans son assise privée, et qu'ils sont plusieurs, le premier qui doit entrer, c'est celui qui a le plus de mérite. Le plus ancien dans la demande de science, ou le plus âgé. Et c'est lui qui commence par passer Cheikh, ou passer salam ou Cheikh. Et ensuite, les autres, ils font de même. Et il ne doit pas entrer chez le cheikh que dans un aspect parfait, avec la meilleure des apparences. Yani, propre dans son corps, propre dans ses vêtements, parfumé, en ayant coupé ses ongles, et en ayant enlevé toute mauvaise odeur, et ainsi de suite. Surtout s'il entre chez Cheikh dans une assise de science. Car l'assise de science est une adoration, dans laquelle il est légiféré de bien s'habiller, de bien se parfumer, et ainsi de suite, et d'arriver devant son Cheikh avec le meilleur des aspects et la meilleure des apparences. S'il trouve le cheikh occupé, ou il est avec quelqu'un avec lequel il discute, Il doit attendre, si Cheikh lui donne la permission, il entre, sinon il repart. Et quand il entre chez son Cheikh, il assiste à son cours, il doit également, en plus de se préparer dans son apparence, de préparer son intérieur, c'est-à-dire le cœur, de venir avec, de bien écouter et de bien comprendre ce que Cheikh dit, et afin de tirer le plus grand des profits, et ne pas venir en étant fatigué, ou à moitié endormi, ou en colère, ou dans une grande faim, de grande soif, toutes ces choses-là qui vont l'empêcher de se concentrer avec le Cheikh et de tirer le plein profit de lui. Et s'il vient chez son Cheikh, il le trouve endormi, il ne doit pas le réveiller. Il doit patienter jusqu'à ce que le Cheikh se réveille. Ou il repart, mais il ne doit pas le réveiller. Et de patienter, d'attendre son réveil est meilleur que de repartir. Comme ça a été rapporté de Abdullah ibn Abbas, qu'il venait devant la maison de Zayd ibn Thabit, radiallahu anhu, et il attendait sa sortie. Et des fois, il lui disait, quand il le voyait devant la maison, il lui disait, veux-tu qu'on réveille pour toi Zayd ibn Thabit? Il disait non, ne le réveillez pas. Et peut-être des fois, il pouvait rester jusqu'à prendre des coups de soleil, radiallahu anhu. Et c'est ainsi que faisaient les salafs avec leurs savants. Et même sahaba, ils ont fait ça avec des sahaba qui ont plus de science que eux, tels que Abu Musa al-Ash'ari, radiallahu anhu, le grand compagnon. Il est allé chez Abdullah ibn Mas'ud, le grand compagnon, radiallahu anhu, le grand faqih. Il est resté devant sa maison jusqu'à ce qu'il ait sorti. Il n'a pas demandé à ce qu'il sorte. Jusqu'à ce qu'il ait sorti pour Salat al-Fajr, il l'a accompagné et c'est là où il l'a interrogé sur cette innovation qu'il a vue dans une mosquée. Des gens qui se regroupaient pour faire un dhikr en groupe. Il ne doit pas demander à son cheikh d'étudier avec lui un livre à un moment qui est difficile pour cheikh. Par exemple, à un moment où Cheikh a l'habitude de se reposer, à un moment où Cheikh a l'habitude de lire. Et il ne doit pas lui demander de le spécifier avec un temps sans les autres élèves. Car ça peut être une forme d'orgueil et un sentiment de supériorité par rapport aux autres étudiants. Sauf si Cheikh, pour une raison pour une autre, il voit de lui accorder un moment pour lui, pour une étude spécifique pour lui. Des fois parce qu'il n'a pas le temps pour assister aux autres cours ou pour une autre raison. Le huitième adab, أن يجلس بين يدي الشيخ جلسة الأدب كما يجلس الصبي بين يدي المقرئ. Par rapport à la façon de s'asseoir devant son cheikh, de s'asseoir avec, d'une manière dans laquelle il y a le plus grand de adab et de politesse, comme l'enfant s'assoit devant celui qui lui fait mémoriser le Coran. Il s'accroupit avec modestie et avec calme et sérénité, il écoute, il tend l'oreille à ce que Cheikh lui dit, tout en le regardant, et il se rapproche de lui, et il l'aborde avec... Il aborde le cheikh entièrement, c'est-à-dire avec son corps et avec ses oreilles et avec son cœur. Il l'écoute et il comprend ce qu'il lui dit. afin que Cheikh n'ait pas besoin de répéter la même chose deux fois. Il ne doit pas se tourner. Il ne doit pas se tourner sans qu'il y ait un besoin. Comme commencer à regarder à droite, à gauche, regarder le plafond, regarder derrière. Il doit rester concentré sur son cours et regarder son cheikh et se concentrer sur ce qu'il dit. Et ça, ça fait partie de l'adab. Comme il ne doit pas sursauter en entendant un bruit ou quelque chose comme ça. Le fait d'entendre un bruit ne doit pas le perturber dans sa concentration et dans son cours, ou de commencer à se tourner pour regarder ce qui se passe. Surtout quand Cheikh discute avec lui. Quand il discute avec lui, il doit rester entièrement avec son Cheikh et ne pas être perturbé par un bruit ou commencer à sursauter, tourner à droite, à gauche, voir ce qui se passe. Il doit rester concentré sur son cours. Comme il ne doit pas secouer ses manches devant Cheikh, yani secouer la manche, par exemple, il y a de la poussière ou là il y a des poils ou des choses comme ça, il ne doit pas secouer sa manche, ni découvrir son bras, ni commencer à bouger inutilement et futilement, s'amuser avec ses doigts ou là ses mains ou ses pieds ou autres de ses membres, ou commencer à caresser sa barbe et mettre la main sur la barbe, ou sur sa bouche, ou s'amuser avec son nez. Il doit délaisser tout ça. Ou de sortir, il a dit, ou de sortir quelque chose de son nez, et de ne pas commencer à ouvrir la bouche, et de frapper ses dents. Également, il ne doit pas commencer à écrire sur le tapis ou des choses comme ça. Toute chose qui va l'éloigner de la concentration dans le cours. Il doit rester concentré et méditer pleinement ce que Cheikh dit. Comme il ne doit pas tourner le dos au Cheikh, comme on a vu avec ce prince, il ne doit pas tourner le dos au Cheikh, ou s'appuyer sur sa main derrière lui ou sur son côté. Il doit s'asseoir accroupi avec respect pour le cercle de science et pour le cours qui est donné par Cheikh. Également, il ne doit pas raconter une chose en présence de son Cheikh, une chose qui fait rire, ou raconter une chose dans laquelle il y a une chose indécente ou une grossièreté, ou lui adresser un discours impoli. Également, il ne doit pas sourire en présence de son cheikh, sauf si c'est une chose étonnante et surprenante. Ça peut être toléré. Mais même dans ce cas-là, quand c'est une chose étonnante et surprenante, il ne doit pas sourire qu'après le sourire du cheikh. Et si jamais c'est plus fort que lui, il n'arrive pas à se retenir, alors il sourit d'une manière subtile, sans faire de bruit. Sans faire de bruit. En souriant. Également, il ne doit pas tousser beaucoup, sauf s'il y a une nécessité ou un besoin. Également, il ne doit pas cracher en présence de son cheikh, ni sortir des glaires ou des crachats. Et si jamais ça lui arrive, alors il doit les prendre avec un mouchoir ou avec un morceau de tissu ou avec l'extrémité de son vêtement. S'il porte une imama ou une chose comme ça, il met ça dans l'extrémité de son vêtement d'une manière subtile à ce que Cheikh ne le voit pas. Également, il doit faire attention à bien se couvrir, son corps, et de garder la tranquillité et le calme pendant ses études avec le cheikh. Et quand il éternue, il essaie au maximum de baisser sa voix et de couvrir son visage avec un mouchoir ou avec un tissu. Et quand il bâille, il doit couvrir sa bouche également. Ça, c'est dans le cas où il n'arrive pas à repousser le bâillement. Comme vous savez, la sunna, c'est d'empêcher le bâillement. Mais quand c'est plus fort que toi et tu n'arrives pas à le repousser, à ce moment-là, il faut fermer la bouche avec la main. Fermer la bouche avec la main. Et ensuite, il a terminé ce huitième point avec une parole de Ali, radiallahu anhu, qui englobe tout ce qui a été cité précédemment. Il a dit, parmi les droits du savant sur toi, c'est-à-dire toi, étudiant en sciences, c'est de passer le salam à tous ceux qui sont présents d'une manière générale et de spécifier ton cheikh avec la salutation. De passer salam à tout le monde et de le passer spécifiquement au cheikh et de t'asseoir devant lui et de ne pas pointer quelqu'un avec le doigt en sa présence ni de regarder autre que lui et de ne pas lui dire un tel parmi les hommes de science a un avis différent du tien et de ne pas faire de la médisance en sa présence et de ne pas chercher et creuser pour trouver son défaut et son erreur. Et s'il fait une erreur, tu dois accepter son excuse et tu dois le respecter profondément pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il a un besoin, tu dois te hâter pour être le premier à le servir. Et tu ne dois pas le prendre par le vêtement. Subhanallah, ces choses-là, on les a vues. Avec les hommes de science, certains étudiants, ils font ces choses-là. Ils tirent cher de son vêtement. Allah, ça, je me rappelle encore, je l'ai vu dans le Masjid Nabawi. Et de ne pas insister quand il est fatigué. Tu lui poses une question, il répond pas, tu insistes alors que tu vois qu'il est fatigué. Et de ne pas te lasser de la longueur de ta compagnie avec lui. Tu as tenu compagnie 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Tu dois jamais te lasser de ça. Car il est pour toi comme un palmier. T'attends à n'importe quel moment, il peut te faire tomber des fruits. Et comme il a dit Ibn Jama'a, ces paroles qui sont rapportées de Ali, radiallahu anhu, ont regroupé toutes les choses dont on a besoin d'une manière concise. Et ensuite, il a cité un point très très important, très minutieux. Qu'est-ce qui est meilleur? D'obéir, l'obéissance aux ordres de Cheikh ou la conformité aux règles de bienséance? On a vu que ça ne fait pas partie de l'adab de s'asseoir à côté de Cheikh, de s'asseoir devant lui. Mais si Cheikh, il te demande de t'asseoir à côté de lui, qu'est-ce qui est meilleur? D'obéir à son ordre ou de te conformer aux règles de bienséance? Les savants ont divergé. Et lui, son avis, Ibn Jama'a, Allah alam, c'est l'avis juste, il a dit, l'avis juste, c'est de détailler. On ne dit pas le meilleur c'est obéir ou le meilleur c'est de se conformer au adab. Il a dit, si Cheikh, il insiste tellement pour que tu t'assoies par exemple à côté de lui et que tu n'arrives pas à Yani, tu as peur, si tu lui obéis pas, que ça le fâche, alors à ce moment-là, tu t'assois à côté de lui pendant un petit moment et après tu reviens au adab. Tu t'assois devant lui. Mais sinon, ce qui est meilleur de manière générale, c'est de se conformer aux règles de bienséance. Sauf si tu vois que Cheikh, il insiste tellement et tu n'arrives pas à désobéir à son ordre, à ce moment-là, tu le fais pendant un petit moment pour lui montrer ton obéissance et après tu reviens au adab. Car Cheikh, quand il t'invite à t'asseoir à côté de lui, par exemple, c'est pour montrer ta valeur et ton statut, ou pour les autres étudiants, par exemple, et la place que t'occupes dans son cœur, et l'amour qu'il a pour toi, et l'attention qu'il t'accorde. Et toi, tu dois rencontrer ça avec le profond respect et la bienséance que tu dois respecter vis-à-vis de ton cheikh. Le neuvième adab, an yuhsina khitabahu ma'a al-shaykh biqadri al-imkan. Le neuvième adab, c'est dans son discours avec son cheikh de respecter les règles de bienséance dans la mesure du possible. C'est-à-dire de respecter l'adab autant que possible dans ton discours avec lui, en choisissant bien tes mots quand tu t'adresses à lui. Tu ne dois pas lui dire, quand il te dit une chose, pourquoi ? Ou on ne peut pas prendre tes paroles pour argent comptant ? Ou qui t'a rapporté cela ? Ou où est-ce que tu as trouvé ça ? Donc, ça ne fait pas partie de l'adab, de parler ainsi avec ton cheikh. Mais si tu veux profiter, tu dois utiliser des meilleurs styles pour arriver aux mêmes fins et choisir des meilleures paroles pour arriver à ce que tu demandes. Et il a rapporté de certains salafs qu'ils ont dit, celui qui a dit à son cheikh pourquoi ne réussira jamais. C'est pas parce qu'il n'est pas autorisé de connaître la source et l'origine de la parole du savant, car les paroles des savants ne sont pas des arguments. Les paroles des savants ont besoin d'arguments, et ce ne sont pas des arguments. Mais ce qui est blâmé ici, c'est la façon de le dire. Comprenez bien ça. Quelqu'un qui s'adresse à son cher et lui dit « Pourquoi tu dis ça ?» ou « Là, d'où t'as sorti ça ?» Ça, c'est quelqu'un qui a un manque de adab avec l'alim. Et si le cheikh lui cite une faïda, il ne doit pas lui dire « C'est ce que j'ai dit déjà aussi » ou « C'est ce que j'ai pensé aussi » ou « C'est comme ça qu'a dit un tel cheikh, un autre cheikh. » Sauf s'il connaît de son cheikh qu'il aime lui citer d'autres savants qui ont donné le même avis que lui. Mais sinon, il ne doit pas lui dire ça. Ou de lui dire « Un tel cheikh a un avis différent au tien. » Ou « Ce que tu as dit n'est pas juste. Ce que tu as dit est faux. » Et si le cheikh, il insiste sur un point, alors que l'étudiant, il sait que c'est pas la vue juste, ou que c'est une erreur de cheikh, ou un oubli de sa part, alors il doit pas tourner son visage, ou regarder d'autres personnes avec ses yeux, comme s'il blâmait, et il réfutait ce que le cheikh dit. Mais il doit le prendre avec douceur entre lui et le cheikh et lui montrer l'endroit de l'erreur de la meilleure des façons. Car Cheikh, il peut avoir un oubli. Il peut avoir un moment d'insouciance. Ça peut être une question qu'il n'a pas bien étudiée. Car l'infaillibilité, parmi les hommes, elle n'est qu'au prophète. Mais les ulama, ils ne sont pas infaillibles. Il n'y a que les prophètes qui sont infaillibles dans leur science. Ils ne parlent que de révélation. Le ulama, ce n'est pas le cas. L'alim, il peut oublier, il peut avoir un moment d'insouciance. Une question de la religion, ça se peut qu'il ne l'a pas étudiée avec profondeur comme les autres questions. Il ne doit pas s'adresser à son cheikh comme certains disent. Il lui dit, « Eh, Shbik, qu'est-ce que t'as ? T'as compris ? T'as entendu ? Tu sais ? Ou un tel ?» Tout ça, c'est des manques, c'est des manques de adab avec cheikh. Également, il ne doit pas réfuter cheikh d'une manière explicite. Il ne doit pas réfuter son cheikh d'une manière explicite où on voit qu'il le réfute. Même si on suppose qu'il a eu un oubli, qu'il a eu une rafla, une insouciance ou une ignorance par rapport à un point. Mais il va expliquer comment le faire. Également, si Cheikh lui dit « Tu m'as dit ça », il ne doit pas dire « Non, je n'ai pas dit ». Ou il lui dit « Ce que tu as voulu par cette question, c'est ça ?» Il lui dit « Non, je n'ai jamais pensé ce que tu as dit ». Ou il dit « C'est pas ça que j'ai visé ». Donc il montre que Cheikh n'a pas compris la question. Mais il doit faire preuve de courtoisie et de politesse. Et d'éviter la réfutation directe. D'éviter la réfutation directe. Et si Cheikh, il lui dit par exemple, il l'interroge, il lui dit, est-ce que t'as pas dit ça? Ou est-ce que t'as pas voulu ça? Il ne doit pas dire tout de suite, non, j'ai pas dit ou là j'ai pas voulu. Mais il dit, par exemple, il peut ne pas répondre. Ou il répond avec une formule dans laquelle il y a l'adab. Par exemple, il lui dit, ce que tu as voulu par ta question, c'est ça? Il lui dit, Afwan, je me suis mal exprimé, je vais reformuler ma question. Donc, il attribue l'erreur à lui-même. Ou il dit, je vais reformuler la question. Où il dit, maintenant, je vais dire exactement ce que j'ai dit. Et par rapport à la question de pourquoi t'as dit ça, ou là, tu t'es basé sur quoi, par rapport à ces questions qui ont précédé, comment il doit les poser? Écoutez, là, il cite, comment il doit poser les questions par rapport à Cheikh quand il cite un avis, il ne cite pas d'argument et l'élève n'est pas convaincu. Il veut les arguments et c'est son droit. Mais le blâme, c'est par rapport à la façon de le faire et de demander les arguments. Regardez comment il peut demander les arguments. Il dit, si jamais on nous dit, vous êtes basé sur quoi pour dire ça? On leur dit quoi? Si jamais quelqu'un nous pose la question, il nous dit, c'est basé sur quoi cet avis? Comment on répond à Cheikh? Et de cette manière, il va sortir de lui les arguments. Avec adab et douceur et politesse. Le dixième adab. Quand il entend son Cheikh citer un jugement religieux par rapport à une question ou une faïda étrange, qui n'est pas très connu. Ou citer, raconter une histoire ou réciter un poème, alors que l'étudiant il connaît par cœur ce que le cheikh dit. Il doit l'écouter avec attention et montrer qu'il profite et qu'il est heureux d'entendre cette faïda de cheikh et qu'il est plein de joie et assoiffé de ces fawaïd qu'il tire de ce cheikh, comme s'il a jamais entendu cette faïda. Et non pas dire, ni interrompre cheikh et dire, oui, oui, je connais par cœur, je vais te réciter si tu veux. Non, il fait comme si c'est la première fois qu'il entend cette faïda. Comme ça a été rapporté de Atta, il l'a cité, comme c'est rapporté de Atta, Atta ibn Abi Rabah, qui est décédé en l'an 115 de l'Hégire. Quand il était à Mecca, c'est un tabi'i. C'est à la base, c'est un esclave qui a été affranchi et c'est devenu l'imam de Mecca avec le Coran et avec la science. Et au point où il disait, quand il était à Mecca, il disait, personne ne doit faire de fatwa pendant le pèlerinage quand Atta est présent. Atta ibn Abi Rabah, rahimahullah. Atta ibn Abi Rabah, il a dit, j'entends un hadith d'un homme, il me rapporte un hadith que je connais déjà et je lui montre que c'est parmi les meilleurs hadiths que j'ai écoutés dans ma vie, comme si je l'ai jamais écouté, comme si je l'ai jamais écouté auparavant. Et dans une autre parole de lui également, il dit, certains jeunes me rapportent un hadith, je l'écoute attentivement, comme si je l'ai jamais entendu, alors que j'ai entendu ce hadith avant sa naissance. Allahu Akbar. Regardez l'adab. Nous, quand on nous cite une chose qu'on connaît déjà, on se précipite à montrer qu'on connaît. Et si on le dit pas explicitement, on le fait comprendre. On le fait comprendre avec des gestes de la tête ou avec un sourire. Et si le cheikh, en commençant par exemple à citer cette histoire ou ces poèmes, il lui demande, est-ce que tu connais par cœur? Est-ce que tu connais ça? T'as déjà entendu ça? Bien évidemment, il ne répond pas oui. Car comme si, et quand il répond par oui, comme s'il n'a pas besoin de la science de cheikh. Et il ne doit pas répondre par non, non plus, car c'est un mensonge. Mais il peut dire, regardez les formules qu'il a citées comme exemple. Il peut dire, j'aimerais bien profiter de toi, cheikh, par rapport à ça. Ou, j'aimerais bien l'entendre de toi. Ou, je l'ai entendu, mais il y a longtemps, je l'ai oublié, il n'a pas dit j'ai oublié, afwan. Il a dit, je l'ai entendu, mais il y a longtemps de cela. Ou l'entendre de toi est plus authentique pour moi. Donc il ne ment pas, mais il ne dit pas non plus qu'il connaissait déjà. Et ça, tout ça, ça permet à l'étudiant d'acquérir un adab, et une modestie, et une humilité avec l'ulama. Par contre, s'il voit que le cheikh, il le teste, il veut voir sa mémorisation, à ce moment-là, il n'y a pas de mal à lui montrer qu'il connaît déjà. Car ça peut être une cause qui lui accorde davantage d'attention et davantage d'intérêt. C'est pour ça, dans le hadith authentique, quand le Nabi alayhi salam a demandé aux compagnons, dans une assise dans laquelle il y avait Abu Bakr et Omar et d'autres grands compagnons, il y avait Abdullah ibn Omar, le tout jeune compagnon. Le Nabi alayhi salam leur a posé des questions par rapport à un arbre, il a cité ses descriptions. Et personne n'a répondu, et Abdullah ibn Omar savait la réponse, savait que c'était le palmier. Mais il n'a pas répondu. L'adab. Il n'a pas répondu. Comment répondre alors qu'il y a dans l'assise Abu Bakr et Omar radiallahu anhuma? Quand ils sont sortis, il a dit à son père, je savais la réponse à Omar radiallahu anhuma. Il lui dit, pourquoi t'as pas répondu? Nabi alayhi salam t'aurait rapproché de lui et aurait vu ton intelligence. Il t'aurait accordé davantage d'attention. Le 11e adab, il ne doit pas s'avancer entre les mains de son cheikh et le devancer en commençant à expliquer un point ou répondre à une question ou autre. Il ne doit pas montrer non plus qu'il connaît déjà la réponse ou qu'il connaît déjà l'explication de ce point. Et si le cheikh il lui demande de répondre, à ce moment-là, il répond. Comme il ne doit pas interrompre son cheikh pendant son discours. Il doit rester concentré avec ce que son cheikh lui dit. Le 12e adab, إِذَا نَاوَلَهُ الشَّيْخُ شَيْئًا تَنَاوَلَهُ بِالْيَمِينَ وَإِنْ نَاوَلَهُ شَيْئًا نَاوَلَهُ بِالْيَمِينَ. Quand il donne, donc ça c'est l'adab qui concerne le service de cheikh, être au service de cheikh. Quand cheikh il lui donne une chose, il doit la prendre avec la main droite. Et quand lui il donne quelque chose au cheikh, il doit la donner avec la main droite. Quand il veut lui donner un papier, il doit le déplier avant de le donner au cheikh, pour qu'il n'ait pas besoin de le déplier. Et quand le cheikh il veut lui donner un papier, il le prend en étant plié, en étant déplié, et c'est lui qui s'occupe de le plier. Il ne laisse pas le cheikh le faire. Et quand il est assis devant son cheikh, il ne doit pas se rapprocher tellement de lui, yani car se rapprocher beaucoup de cheikh, yani peut comporter un manque de adab, le gêner ou se coller contre lui, ne le laisser pas à l'aise et le gêner de cette manière. Il ne doit pas poser son pied ou sa main sur quelque chose du corps de cheikh. Il doit laisser une petite distance entre lui et lui. Il ne doit pas également pointer quelque chose avec son doigt en présence de son cheikh, ou de rapprocher quelque chose du visage de cheikh ou de sa poitrine, ou de toucher quelque chose de son corps. Il doit toujours garder une distance et un respect pour le cheikh. Et quand le cheikh il se lève pour quitter l'assise, il doit se hâter à prendre son tapis, s'il a un tapis sur lequel il est assis, et de le ranger. Et si le cheikh a besoin de l'aider pour se lever, tel que prendre sa main ou l'épauler, il doit se précipiter à le faire et de lui présenter ses souliers s'il a du mal à les prendre lui-même. Ou de manière générale, lui il a cité s'il a du mal, mais de manière générale c'est un adab. C'est un adab avec cheikh, surtout quand cheikh il prend de l'âge, tel que ce que les étudiants font avec cheikh Abdelmassil Abbad, qu'Allah le préserve. Surtout quand cheikh il prend de l'âge, yani à l'époque, maintenant cheikh il le ramène sur un fauteuil roulant, mais à l'époque il marchait, mais il avait du mal à aller vers ses souliers et tout ça. Donc les étudiants, qu'Allah les récompense, ils lui ramenaient ses souliers. Et il met l'intention dans toutes ces choses-là, ce service qu'il offre à son cheikh, l'intention de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal avec cela. Puis de gagner l'amour de cheikh. Yani car quand cheikh il l'aime, il va lui donner plus de science, il va lui accorder plus d'attention, et ainsi de suite. Ils ont dit, arba'atun لا يأنف الشريف منهن وإن كان أميرا. Il y a quatre points auxquels ne se refuse pas l'homme noble, quand bien même c'est un prince. La première, قيامه من مجلسه لأبيه, se lever pour accueillir son père. Vous savez que le Nabi عليه الصلاة والسلام, il se levait pour accueillir Fatima radiallahu anha, elle faisait de même. Il la ramenait, il la mettait à côté de lui. Il la faisait asseoir à côté de lui radiallahu anha. Il l'aimait tellement, elle lui ressemblait tellement également, même dans sa façon de marcher, même dans sa démarche radiallahu anha. Donc la première chose, c'est de se lever pour accueillir son père. La deuxième, être au service de celui de qui tu prends la science. Et la troisième, poser la question au sujet de choses que tu ne connais pas. Et la quatrième, le service de l'invité. Le service de l'invité. Le treizième et le dernier adab avec lequel nous terminerons, inshallah, il a dit, إِذَا مَشَى مَعَ الشَّيْخِ فَلْيَكُنْ أَمَامَهُ بِالْلَّيْلِ وَوَرَاءَهُ بِالنَّهَارِ إِلَّا أَنْ يَقْتَضِيَ الْحَالُ خِلَافَ ذَلِكَ لِزَحْمَةٍ أَوْ غَيْرِهَا. Donc ça c'est un adab qu'il a cité, avec lequel il a terminé, l'adab quand il marche avec son cheikh. Tout d'abord quand il marche avec lui pendant la nuit, qu'il se place devant le cheikh. Et quand il marche avec lui de jour, qu'il se place derrière lui. Sauf s'il y a une raison pour laquelle il peut inverser. Mais la base, c'est comme ce qu'il a cité. De nuit, il se met devant lui pour le protéger si jamais il y a quelque chose. Et de jour, il reste derrière lui. Et dans les endroits où on ne sait pas comment la terre, par exemple, dans lesquels il y a de la boue ou des choses comme ça, ou dangereux, il se met devant lui pour tâter le terrain et voir les choses, et pour préserver son cheikh. Et si cheikh se trouve dans une grande foule, il essaie de le protéger. Il essaie de le protéger en marchant devant lui ou derrière lui, afin d'écarter les gens de lui. Sans faire du mal aux gens, bien évidemment, mais en protégeant le savant. Et il ne doit pas marcher à côté de lui, sauf s'il y a un besoin. Ou sauf si Cheikh, il lui demande cela. Et qu'il soit en garde contre bousculer son Cheikh avec ses épaules, ou avec ses genoux, ou de lui coller. Et si son Cheikh, il marche avec quelqu'un avec lequel il parle, alors il ne doit pas se mettre entre les deux. Il doit avancer et laisser un écart entre lui et son cheikh et celui avec lequel il parle. Sauf si cheikh lui dit de se rapprocher et qu'il ne voit pas d'inconvénient à ce qu'il écoute la conversation entre les deux. Voilà pour aujourd'hui. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la science bénéfique et profitable et de nous faciliter les œuvres pieuses et acceptables. Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا pour votre patience والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.